L'histoire du badminton français a été écrite cette semaine. On débriefe tout de suite cette Indonesian Open avec la victoire de Tom Jiquel et Delphine Delerue, mais aussi les quatre autres tableaux, tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that! Et je suis avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, quand je réfléchissais cette semaine à ce qu'on allait dire dans cet épisode, je me suis dit, je vais commencer par demander à Benoît s'il a autant kiffé cette semaine que la semaine dernière, puisque ceux qui ont écouté notre épisode du Singapore Open savent que tu avais été assez enthousiaste vis-à-vis de cette semaine de bad, et moi aussi. Mais avec ce qui s'est passé en finale, et notamment la victoire des Français, désolé pour le Singapore Open de la semaine dernière, mais on va vite oublier comparé à ce qui s'est passé à cet Indonesia Open, surtout qu'il ne s'est pas passé que ça. Oh ben, clairement, on va débriefer un peu tous les tableaux, mais je pense que meilleur tournoi de l'année, j'ai pas trop de doutes, mais j'ai même maintenant un peu peur pour la suite. C'est vrai, c'est vrai. On va rester optimiste. Voilà, vous l'aurez compris, cet épisode risque d'être assez long parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Et on commence tout de suite par le mixte avec, comme ça m'a été réclamé sur notre serveur Discord, un petit jingle. Slide it in. They've got no challenges left. No, they've got no challenges left. And that is it. Wow. Tom Jiquel and Delphine Delerue win the Indonesia Open, a first World Tour title at 1,000 level. A first above 300 for this French combination. 21-16, 21-18, the margin of the victory. And from very early on, Steen, I thought the French really looked as if somehow it was their destiny. Pas mal, non? C'est français. Benoît, la victoire de Tom Jiquel et Delphine Delerue. Alors, on va parler de la finale, on va parler de leur semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais Benoît, ça a été dit et redit, premier français, tout tableau confondu, à remporter un Super 1000 avec cette Indonesia Open. Ils n'étaient pas passés si loin. En 2023, il y a deux ans, ils avaient finale en Chine, au China Open, perdu en 2-7 contre Seo Chae. Cette fois, c'est bon, après cette finale face à Poivarenko, Pai Sampran. Avant qu'on parle du match, Benoît, en termes d'émotion, qu'est-ce que t'as ressenti, là, on enregistre ça le lendemain de la finale, qu'est-ce que tu ressens devant le fait que, voilà, maintenant, à côté des victoires, des vainqueurs de Super 1000, il y aura un petit drapeau français, le fait que ce soit Jiquel Delerue, c'est quoi les premiers trucs auxquels tu penses? Déjà, pour moi, je crois que c'est un des rares trucs qu'on s'est dit. On n'a pas beaucoup parlé cette semaine, contrairement à Singapour, mais c'est pour moi le plus grand exploit du bad français, déjà, à ce jour. Et je pense que Alex Lagny nous en voudra pas de dire ça, même si c'était quand même fou le Japan l'année dernière. Mais c'est encore autre chose. Un Super 1000, t'as écrit l'histoire du bad pour toujours, mais enfin, pour le bad français, c'est quand même monstrueux. Je m'attendais pas à ce que ce soit Tom et Delphine, encore moins en ce moment, ça faut dire la vérité. Mais ouais, l'émotion, elle est folle quand tu regardes le match et tout. Puis la semaine, on va en reparler aussi. Franchement, c'est aussi fou qu'inattendu. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. En fait, ça aurait été un des trois en simple homme, ça aurait été beaucoup moins une surprise presque que Tom et Delphine dans la forme actuelle. Ouais, Benoît, moi j'y ai pensé, je veux revenir sur ce que tu viens de dire à la fin. C'est ça qui me rend particulièrement heureux aussi, c'est que les trois du simple homme, c'est-à-dire les frères Popov et Alex Lanier, je pense qu'ils en gagneront au moins un. Il y en a un des trois qui en gagnera, c'est sûr. J'ai pas trop de doutes sur le fait qu'Alex Lanier en gagnera un, peut-être les Popov aussi, tu vois. Mais j'étais particulièrement content que le premier pour la France, ce soit Tom et Delphine, pas parce que je les préfère aux trois gars que j'ai cités, mais Parce que tu vois, ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont dans le top mondial. Alors là, ils ont pas mal reculé. Mais tu vois, genre, ils avaient fait finale. Ils ont perdu énormément de finales, mais pendant un moment, pendant longtemps quand même, ils ont porté le bas de français, tu vois, pendant des années. Et là, que ça arrive dans la période qui est clairement pas la meilleure de leur carrière, qui est même pas la meilleure semaine de leur carrière en niveau de jeu, en termes de niveau de jeu, loin de là, j'étais particulièrement heureux pour eux. Ouais, bah tout pareil que toi. Enfin, ils ont quand même, c'est eux qui ont quand même, et, je trouve, mis les premières pierres, tu vois, du bas de français à l'international. Les Popov, on en parlait depuis très longtemps et tout, mais ceux qui ont vraiment été les premiers dans le top 10, les premiers même dans le top 5, et vraiment à performer, à rester là à ce niveau-là, c'était eux, même si les Popov étaient pas très loin en termes de classement et tout, c'était quand même un cran en dessous. Aujourd'hui, il y a Alex Lanier qui rentre dans le débat, mais ouais, Tom et Delphine, je trouve que c'est mérité pour l'ensemble de leur début de carrière, parce qu'ils sont encore très jeunes. Mais ouais, je trouve que c'est une belle consécration que ce soit eux. Benoît, pour aller un peu sur le détail, notamment de leur finale, on avait toutes les raisons d'être pessimiste. C'est toi qui la rappelle assez souvent. Ils ont des états de fait en finale qui sont pas dingues. Beaucoup de finales perdues. Leur dernière finale gagnée, en tout cas sur le circuit, ils en avaient gagné deux à Orléans en 2019. En Suisse en 2021, et à côté de ça, il y avait 7 défaites. Il y a aussi une défaite en finale des championnats d'Europe qui avait fait assez mal. Ils tombent contre une paire qui, a priori, je pense, et je le pense toujours, est un peu meilleure, contre qui ils perdaient 2-0 aux confrontations, et contre qui ils avaient perdu en janvier dernier, donc il n'y a pas si longtemps. De toute façon, Poivaranu, Kropa et Sampran, c'est une paire assez récente. Ils avaient perdu en Malaisie, donc tous les indicateurs étaient un peu au rouge, on va dire. Moi, je trouvais, et je pense que tu seras d'accord, que final, c'était déjà très bien. Mais là, Benoît, il y avait un peu ce truc aussi de... peut-être qu'ils savaient aussi qu'ils n'auraient pas beaucoup de chance comme celle-ci. Et ils en ont profité. Et c'est de très loin, je trouve, leur meilleur match de la semaine, en fait. On va revenir sur toute la semaine, mais sur cette finale, je trouve qu'ils ont été très bons, en fait, au bon moment. Non, mais c'est... Enfin, j'irais même plus loin, c'est leur meilleur match de 2025. Ils ont été même quasi exceptionnels. Pour revenir sur le match, on parlera de la semaine après, parce que quand tu juges l'entièreté de la semaine, le niveau de jeu et la qualité des adversaires, c'est... Je vais pas dire que ça ternit le titre, parce que rien ne fera ça. Maintenant, quand tu prends un peu de relief et que tu compares à d'autres, notamment le 750 d'Alex... C'est pas les mêmes adversaires affrontés, très clairement. Maintenant, sur cette finale, ils ont été les patrons, comme je pense ni toi ni moi on l'imaginait. Le plan tactique, il était parfait. Delphine, elle a été injouable au filet. Tom, il a toujours, vraiment toujours sur l'avant, toujours en train de mettre la pression. Ils ont pas arrêté de prendre de vitesse pour avoir un Ucros, qui est quand même assez exceptionnel. Super. Et surtout, enfin, ouais, Tom, il a pas arrêté de varier en attaque non plus. Ils ont commis beaucoup moins de fautes que ce qu'ils ont fait ces 3, 4, 5, 6 derniers mois. Ouais, pour moi, là, c'est leur match référence depuis, je vais pas dire 18 mois parce que j'ai sans doute oublié des matchs, mais au moins en 2025. Ouais, Benoît, je suis assez d'accord. Ils ont fait vraiment un match excellent. J'ai trouvé, enfin, c'est dur d'en retirer un ou une dans la paire, mais je trouve que Delphine Delru m'a particulièrement impressionné. Je trouve qu'elle a été, elle a mangé vraiment Pae Sampran, elle a été super agressive, elle a été quasiment injouable en défense. Enfin, c'est super impressionnant le match qu'elle a fait. Voilà, ça, comme tu l'as dit, il n'y a rien qui pourra, je pense, venir ternir cette semaine, même si je pense qu'il faut noter, Gil Clark l'a fait, que l'enchaînement des matchs, je pense, a fait beaucoup de mal à Poivaranu, Kropa et Sampran. Ils ont eu une demi assez exigeante et ils sortent de 4 semaines. Je crois que Gil Clark disait la stat, mais il est à plus de 40-45 matchs joués en un mois, Poivaranu, Kropa, parce qu'il fait deux tableaux. Je pense qu'on s'en fout et qu'on le retiendra pas, honnêtement. Je trouve que leur match a été excellent, puisque voilà, Poivaranu, Kropa, ils battent quand même Cento la veille. Les Malaisiens n'ont pas réussi à les battre, les Français ont réussi à le faire. Tu l'as dit, c'est pas souvent que Poivaranu, Kropa est pris de vitesse. Voilà, pour rajouter un peu de la beauté à ce titre, il faut préciser que les Thaïlandais, comme toujours avec eux en tout cas, ont été ultra, ultra fair play, que ce soit sur le moment et après, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter sur cette finale, à part qu'ils ont été, oui, ils ont été parfaits dans tout. En plus, Benoît, il faut dire que dans ce premier set, ils ont quand même été menés. Tout n'a pas été simple dans cette finale. Ils ont aussi très bien géré le match mentalement. Même en fin de match, tu vois, quand ils doivent s'y reprendre à, je crois, 3 fois pour le volant match. Enfin, voilà, mentalement, fallait être costaud avec ce qu'il y avait derrière. Bah, c'est ça qui est aussi impressionnant, c'est que, alors, je pense que leur premier tour, et on va en reparler, leur a donné cette confiance peut-être qui leur a manqué parfois. Maintenant, sur une finale comme ça, 2000, où tu joues potentiellement le plus gros titre de ta carrière, parce que, qu'on dise les choses, gagner 1000, pour ceux qui nous écoutent et qui ne se rendraient pas compte, c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est gagner Roland Garros? Je pense que pas loin en termes d'équivalent. En tout cas, il y a autant de 1000 que de Grand Chelem, quoi. Voilà, si on compare aux plus gros titres de leur carrière, c'est-à-dire les championnats d'Europe, pour moi, c'est bien au-dessus en termes de renommée. Ah non, mais ouais. Pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est à des années-lumière au-dessus. Gagner 1000, je ne leur souhaite pas, mais il n'y en aura peut-être qu'un dans une carrière. Et il y en a même de leur niveau, tout tableau confondu, qui en rêvent et qui n'y arriveront jamais. Donc oui, non, c'est au-dessus de tout et tu peux trembler à ce moment-là. Et je trouve que, alors, peut-être qu'ils auraient pu conclure plus vite, mais en tout cas, ils n'ont pas... Tu finis en deux, tu es solide quand même dans les money time. Et au vu des 6 derniers mois, on pouvait craindre ces moments-là aussi face à une paire qui, à mon avis, aujourd'hui, est peut-être la paire la meilleure du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, une des deux ou trois meilleures paires du monde actuelles. Voilà. Ouais, pour moi, après les deux paires chinoises qui n'étaient pas là cette semaine, on y reviendra. Pour moi, Povarano, Kropa et Sampras, c'est la meilleure paire du monde, ce qui fait d'eux des top 3 tous les jours. Ils n'ont pas encore le ranking, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va venir très très vite. Et c'est aussi pour ça qu'ils jouent énormément de matchs. C'est parce que Povarano, Kropa et Sampras, ils passent peu de fois à côté sur des premiers, deuxième, troisième tours. Donc c'est aussi pour ça qu'ils enchaînent pas mal, et j'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont continuer à monter. Benoît, sur la semaine, c'est vrai que c'est impossible de parler de ce titre sans parler de ce premier tour face à Kudjarjanto Wijaya. Évidemment, on l'a pas reprécisé, mais c'est vrai que si vous connaissez moins le badminton, l'Indonésie, c'est l'Indonésie Open, il a quand même une saveur particulière, surtout pas vraiment pour l'histoire du tournoi comme peut l'être le All England, mais plutôt pour l'ambiance dans cette salle assez mythique, l'Istora Senayan, qui est la plus grosse ambiance du bad mondial, je pense qu'on peut le dire, devant la Malaisie, devant Singapour, ou quasiment tout le reste. Tous les joueurs rêvent de jouer là-bas et de gagner là-bas. D'ailleurs, les Français en ont parlé. Quand tu joues une paire locale, une paire indonésienne au premier tour, que tu sors en plus, Benoît, à Singapour la semaine dernière, d'un match très moyen, voire très mauvais, face à une paire japonaise qui avait quasiment jamais joué ensemble. Encore une fois, tout était réuni pour faire passer un sale quart d'heure aux Français, qui perdent le premier set, qui gagnent le deuxième. Conditions de jeu difficiles aussi. Les deux côtés, le volant ne vole pas de la même façon. On en reparlera, notamment en simple, ça a été une donnée. Et Benoît, les Français qui sont largués dans ce troisième set, menés 20-15, ils vont sauver 5 volants de match sur le service de Tom Jiquel, qui, je pense, sera d'accord avec nous, n'est pas la meilleure arme de son jeu, même s'il a progressé là-dessus, je trouve. Ils en sauvent un peu plus tard, ça fait 6 volants de match sauvés. Eux réussissent à convertir le leur. Et Benoît, c'est facile de le dire après, mais l'histoire, elle commence évidemment là. Tom Jiquel l'a dit en conférence, enfin en interview d'après match, après le titre, c'est que dans leur tête après, tout était comme du bonus, et tous leurs matchs d'après, sur lesquels on va revenir assez rapidement, ils étaient beaucoup plus relâchés. Je trouve qu'ils ont joué de mieux en mieux au fur et à mesure de la semaine, mais voilà, tout commence quand ils étaient au fond du trou avec 5 volants de match à sauver dans le premier tour. Ouais, bah ça a clairement commencé là. Après, je sais que certains nous ont trouvé durs sur Singapour et aussi sur ce premier tour, sur ce qu'on a pu dire d'eux, mais en termes de qualité de jeu produite, moi je ne nous trouvais pas durs. Je trouve qu'on a essayé d'être honnête avec notre ressenti, et c'est vrai que c'était quand même pas fou. La seule différence, c'est que là, ce tour, tu le passes, alors qu'à Singapour, tu perds. Très clairement, même ici, je te l'ai dit, il y a un gars qui m'a dit... quand t'arrives pas, quand tu dois sauver des volants de match contre Kucharjanto Vijaja au premier tour d'un Indonesia Open, ça en dit long sur ton niveau. Et c'était quand même, malheureusement, j'aurais bien aimé me dire que c'était pour me dire qu'ils étaient numéro 2 mondiaux, mais c'était pas ça vraiment qu'ils voulaient dire. Donc voilà, c'est sûr que le fait d'avoir sauvé ces 6 volants de match, clairement, ça te donne des ailes, de la confiance, ça c'est clair, et c'est ça aussi peut-être qui a été l'élément déclencheur de leur semaine, eux-mêmes en ont parlé. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de contenu, ce match-là, c'était quand même pas la folie, et après ça, effectivement, ça les a libérés. Maintenant, il faut espérer que... Bah, en tout cas, ça va pas changer leur statut d'avoir gagné un 1000, en fait, parce que maintenant, Tom et Delphine, ils sont des top 10 mondiaux ou pas loin, attendus chaque semaine, et je pense pas que le fait de gagner un 1000 change énormément de choses comme ça a pu l'être à l'époque où ils sont rentrés dans le top 10, rentrés dans le top 15. Je sais pas, moi. À mon sens, ça peut être que positif. Pour moi, ça peut être que positif. Ah oui, oui, oui. Je pense aussi. Je pense que on sait que c'est une paire qui a parfois été en manque de confiance. Là, j'espère que ça va leur donner confiance en leur propre capacité. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi un peu une leçon, peut-être pour toi et moi et pour beaucoup qui analysons des résultats et. Des résultats et des contenus. C'est-à-dire que effectivement là, tu vois, la semaine dernière, ils perdent au premier tour. Là, ils sont à deux doigts de faire la même chose. Finalement, ils vont au bout du tournoi. C'est que des fois, il n'y a pas... Tu vois, ils ont mieux joué au fur et à mesure de la semaine, mais ils ne sont pas non plus transformés. Et c'est un peu bête à dire, mais parfois, il n'y a pas une énorme différence entre une défaite au premier tour et une victoire en finale. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est assez curieux, tu vois. Parce que, voilà, je le redis, mais... Oui. Ils ont déjà beaucoup mieux joué. Là, ils ont été juste très solides dans la tête, très solides en finale surtout. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose entre eux. Et du coup, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas peut-être aussi les accabler quand ils perdent au premier tour. Bah, ça dit beaucoup de choses. Ça dit aussi que c'est difficile et imprévisible d'analyser d'une semaine sur l'autre. On le sait très bien, il peut se passer ce genre de choses, très clairement. Il faut pas les accabler quand ils perdent au premier tour. Maintenant, je pense que ce soit eux ou les autres, on essaie aussi de juger des globalités d'événements. Franchement, celui qui m'aurait dit avant la semaine que Tom et Delphine allaient gagner l'Indonesia Open, j'y croyais moyen. Donc voilà, c'est sûr que il faut pas forcément leur tomber dessus, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que quand on analyse leur niveau de jeu, celui qui regarde le match à Singapour et celui qui regarde le premier tour en Indonésie et qui me dit qu'ils ont été bons, ce sera un menteur. Voilà. Maintenant, effectivement, ça se joue à rien. Ça se joue à 6 volants de match sauvés, un déclic, et tu vas au bout, ça se transforme en histoire exceptionnelle. Ça, ouais, c'est clair que c'était imprévisible. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, je ne sais plus si c'est après le quart ou la demi, ils ont dit, après le quart, je crois, ils ont dit on est à 80% de notre niveau. Donc voilà, vous voyez bien qu'on ne l'invente pas. Je n'ai pas parlé des tours d'après. Donc, 7 victoires au premier tour, 24-22 au troisième contre Kucharjanto Wijaya. Derrière, ils ont battu les Thaïlandais Uptong Sujai Praparat 21-19, 21-18. Puis en quart, les Indonésiens Maulana Jamil 21-11, 23-21. Et en demi, les Chinois Cheng Zhang 17-21, 21-14, 21-12. Donc une tête de série battue au premier tour et une en finale. Le ménage avait été un peu fait par Maulana Jamil qui ont battu Tang Tse. Les Thaïlandais avaient battu Yang Wu, tête de série 8. Chen Zhang ont battu Guo Chen. Donc il y a eu pas mal de trucs. Midori Kawasaito ont perdu plus tôt aussi. Ce qui fait qu'en fait les têtes de série sont un peu neutralisées entre elles. Et du coup, Benoît, on avait des sortes de matchs un peu bizarres pour les Français où ils étaient peut-être légèrement favori, mais très légèrement, en fait. Ils ne jouaient pas de paire monstrueuse. Du coup, chaque match était un peu un match piège. Et au final, bah, cette position leur allait plutôt bien, Benoît, parce qu'ils ont été... Ils ont su élever leur niveau quand il fallait. Je pense notamment à cette fin de deuxième set contre Maulana Jamil, où ils maîtrisaient très bien le match. Finalement, on a cru qu'on pourrait partir sur un troisième. Et là, perso, j'avais un peu peur, parce qu'en cas de troisième, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils ont haussé leur niveau de jeu quand il fallait pour terminer en deux. Donc, c'est un tournoi un peu bizarre, Benoît, où, on ne va pas se mentir, tu l'as déjà dit, il y a déjà eu des parcours plus épiques en termes d'adversaires. Mais finalement... finalement, ces matchs-là, ils étaient, enfin, chaque match était, comme j'ai dit, était très très piégeux. Donc, ils ont vraiment bien manœuvré leur semaine. Et quand le niveau s'est élevé, c'est-à-dire en finale, ils ont élevé le leur aussi. Ouais, bah tu fais bien d'en parler. C'était le dernier point que je pensais important d'évoquer, c'est que la semaine, clairement, du premier match à quasiment à la finale, c'est pas une semaine de 1000, c'est peut-être à peine une semaine de 500 en termes d'adversité. Ça, je pense que quand tu vois les noms en face et le niveau des joueurs, dire autre chose, ce serait mentir. Maintenant, on leur a assez reproché, et je me souviens, toi et moi notamment, une défaite contre Kouchargento Kusumawati il y a peut-être 2 ans et demi maintenant aux IFB, où le tableau il est dégagé parce que les têtes de série sont neutralisées aussi. Et nous, on était en mode, mais t'en profites pas. Donc, alors oui, les têtes de série, elles sont neutralisées, mais ça, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est d'aller gagner les matchs pour aller chercher un 1000. Et c'est aussi ce que Tom et Delphine, ils ont pas réussi à faire. Souvent, il y a eu des grosses perfs contre des grosses perfs, mais quand des tableaux étaient dégagés, bah, ça s'est pas toujours conclu. J'ai en tête cette défaite en finale contre... c'était Kim, peut-être. Je sais plus où c'était, mais... En Allemagne, peut-être, c'était en Europe, il me semble. Ah, ok, ouais, non, c'était pas en Europe. Je pensais, oui, aux Spine Masters. Enfin, en tout cas, c'était pour dire que peut-être qu'elles se sont neutralisées, les têtes de série, mais ce qu'on attend de pairs comme Tom et Delphine aussi dans ces moments-là, c'est d'aller au bout. Et alors, effectivement, la finale, c'était pas une surprise en face, mais voilà, ils ont élevé leur niveau de jeu quand il fallait, et pour moi, c'est vraiment. Je dirais pas un exploit, mais pour moi, c'est exactement ce que je pense capable de la part de Tom et Delphine. Et je sais pas si tu vois tu vois ce que je veux dire et si tu partages ça. Ouais, bah en fait, ce que tu veux dire, c'est que là, ils étaient 10e mondiaux, ils vont passer 8, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je pense que, évidemment, quand tu es 8e mondial, on n'attend pas vraiment. Enfin, on ne peut pas te tomber dessus si tu ne bats pas une paire de devant, c'est-à-dire les 7 premières. Après, évidemment, il y a le contenu qui est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec leur ranking, ce qu'ils peuvent espérer de mieux, Tom et Delphine, c'est faire le boulot contre les paires moins bien classées. Et de temps en temps, tu as une ouverture, boum, tu la prends. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait là. C'est-à-dire qu'ils ont fait le boulot contre des paires. Ils ont joué uniquement des paires moins bien classées. Jusqu'en finale, ils jouent une paire qui est mieux classée, qui n'est pas vraiment à 100%. Hop, ils en profitent, eux, ils élèvent leur niveau et ils gagnent 1000. C'est voilà, parce que Benoît, au final, on a quand même pas mal reproché à Tom et Delphine, et bon, après, on va peut-être conclure sur eux quand même, mais on a pas mal reproché peut-être à Tom et Delphine de perdre des finales, mais quand tu regardes contre qui ils les perdent, ils n'étaient jamais favoris, tu vois. C'est du Seo Chae, Poivar Anukropa et Sampran, Zhang Wei, encore Seo Chae, Zeng Wang. Voilà, tu vois, donc. C'est pour ça que c'est un bon exemple ce que tu disais contre Kim en 2020, c'est que il faut savoir prendre les occasions quand elles se présentent, et là c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, bah c'est, je pense, une bonne conclusion pour Tom et Delphine et l'exploit vraiment qu'ils ont réalisé. Je suis d'accord. Benoît, alors j'ai fait un peu de recherche, j'ai pas réussi à trouver pourquoi les deux paires chinoises Feng Wang et Zhang Wei n'étaient pas présentes. Du coup, ils ont fait une paire un peu hybride Feng Wei, mais qui marche vraiment pas fort. Ça fait quoi, 3 ou 4 fois qu'ils la testent. Ils ont jamais été excellents. Là, ils perdent au deuxième tour contre leur compatriote Cheng Zhang. Donc, je sais pas ce que tu veux rajouter sur le double mixte. On a Chento donc qui rejoue ensemble maintenant, qui perdent en demi. Je pense que vu le tableau, pour avoir Anukropa et Sampran étaient les clairs favoris, mais je pense qu'il va falloir faire des petites vacances parce qu'ils commencent à être bien fatigués. Tant que c'est, ils perdent au premier tour, mais voilà, ils étaient tête de série 1, mais pour moi, ils reviennent encore depuis pas très longtemps, donc ils en ont que le statut, pas vraiment le niveau. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le mixte. Bah juste deux petits mots. Un sur Poivar Anukro, Pai Sampran. Je pense que attention au phénomène, au syndrome CO quand même. Alors oui, il est allé chercher un titre de double champion du monde la même année. Mais quand même, il est arrivé sur énormément de mondiaux où le gars, il était rincé parce qu'il jouait sur deux tableaux. Attention à Poivar Anukro quand même de ne pas faire la même. Surtout que potentiellement, il arrive à Paris pour aller chercher... je vais dire une médaille, mais presque deux. Donc, faudrait pas non plus que ça fasse zéro médaille et grosse déception. Et l'autre, c'est que les paires chinoises, j'ai un peu creusé sur Weibo. réseau social chinois, et ça parlait d'une blessure. Ça reste des rumeurs, mais ça pourrait avoir un peu de sens, parce que qu'il soit pas là sur un 1000, pas là sur un 750, c'est quand même très très surprenant, donc voilà. Oui, c'est clairement pas des choix. Voilà, les Chinois qui restaient sur 3 victoires, 2 de Zheng Wang, 1 de Zhang Wei à l'Indonesia Open. Et bien maintenant, c'est la France qui s'impose donc, je le rappelle, première victoire tout tableau confondu sur un Super 1000 ou un tournoi de ce niveau. On passe au deuxième tableau, le simple homme. I'm the bad guy. Take that! Le simple homme, Benoît, avec un remake de la finale de 2019 entre Xu Qianchen et Anders Antonsen. Ça avait été un grand, grand match il y a 6 ans maintenant. On va reparler des demi-finales, mais on attendait a priori, moi j'attendais en tout cas un règlement de compte entre Shi Yuxi et Ken Lavoud Vititsarn. Les deux se sont fait surprendre en demi. Ce qui fait qu'on avait un Anders Antonsen, Xu Qianchen qu'on n'attendait pas vraiment, remporté par le Danois, 22-20, 21-14. Benoît, Antonsen a fait du Antonsen, c'est-à-dire que pas forcément très spectaculaire, mais une gestion de match exemplaire, c'est-à-dire qu'il a, je dirais qu'il a, il a plié sans rompre dans ce premier set où il n'a pas forcément été le meilleur joueur, mais il a gagné les points les plus importants. Oui. Un deuxième set bien géré, ce qui fait que voilà, pour certains, je sais que Antonsen n'est pas forcément quelqu'un qui leur procure beaucoup d'émotions, mais je pense que lui, il en avait, parce que bah, un peu comme Tom et Delphine, finalement, Antonsen, il est dans une période assez, assez galère, et ce n'est pas vraiment un titre qui sort de nulle part, parce que lui... A déjà joué des finales comme ça. Il en avait joué beaucoup d'ailleurs en Indonésie. C'est un tour, une salle en tout cas qui lui réussit bien, même si souvent il perdait en finale. Mais voilà, c'est clairement pas un titre qu'on attendait et qui va lui faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, c'est clair, c'était sa 3e finale en Indonésie, donc c'est quand même pas rien. Il me semble qu'il avait déjà 1000, donc c'était pas le premier, mais en tout cas. Perso, moi j'attends d'Antonsen qu'il y en ait plus que deux, tu vois. Contrairement à Tom et Delphine dont on parlait avant, on n'a pas les mêmes attentes pour Anders Antonsen. Je trouve que le score est presque sévère, effectivement. Il y a ce premier set notamment, mais même dans le deuxième, il est longtemps au contact, Xu Qianchen. Il a proposé quand même une vraie stratégie, je trouve, et presque à l'Anders Antonsen, Xu Qianchen dans ce premier set. Très très patient, il a essayé de lui tendre des pièges et tout, c'est pas forcément le Xu Qianchen qu'on connaît d'habitude, donc c'était vraiment intéressant. Surtout ouais, pas celui de la veille contre Vititsarn. Pas celui de la veille contre Vititsarn, il était un peu en mission Antonsen quand même, et j'avais l'impression que pas grand chose pouvait lui arriver. Pareil, la semaine dernière, on a quand même dit que son niveau il était plus qu'en deçà de nos attentes, là il va chercher le titre, en étant franchement... Très bon cette semaine, vraiment. Encore une fois, l'analyse elle est différente de Tom et Delphine parce que c'est un mec, on l'a dit dans le podcast plusieurs fois, lui-même le dit et il parle tellement que forcément il faut assumer à un moment donné. Anders Antonsen, évidemment que c'est un gars qu'on attend à ce niveau-là, qui gagne des 1000 et qui soit un prétendant au top 3 mondial et à des grands titres. C'est ce qu'il a été cette semaine, c'est comme ça qu'on l'attend et qu'on le veut beaucoup plus souvent. Ben non, moi je trouve que cette victoire d'Antonsen aussi, elle nous montre ce que nous, on n'a pas forcément toujours conscience, parce qu'on n'est pas dans la salle, c'est aussi les conditions de jeu. On voit que lui, il adore jouer là-bas. On sait qu'il y a des joueurs où c'est beaucoup plus compliqué, notamment Vititsarn, on va y revenir en demi. Et je trouve qu'on ne peut pas, on retiendra que la victoire d'Antonsen et les défaites dans d'autres tournois, mais je pense que c'est aussi très important. Quand tu vois ce qu'il nous fait contre Christo au premier tour, la semaine dernière et ce qu'il nous fait là, c'est clairement pas le même homme. Moi tu l'as dit, deuxième super 1000 pour lui après celui qu'il avait gagné en Malaisie en début de d'année dernière, et donc premier titre pour lui sur le circuit cette année, donc voilà, je pense que comme je l'ai dit, ça va lui faire du bien. Benoît, peut-être un mot sur... j'ai dit qu'on attendait Vititsarn et Shi Yuxi, donc il va falloir expliquer pourquoi ils ne sont pas là. C'est qu'ils ont perdu en demi tous les deux. Un mot de la victoire d'Antonsen contre Shi Yuxi. 9-21, 21-18, 21-19. Antonsen qui était nulle part dans ce premier set. Gros combat en deuxième et il est bien devant au troisième, mais il lui faut 5 ou 6 volants de match pour arriver à conclure. Il s'est fait bien peur et il a dit lui-même qu'il avait gagné sur une sorte de coup de chance parce qu'il était clairement en train de craquer et il l'a volontiers admis. Voilà, pareil, un match, alors sauf à la fin, mais plutôt bien géré et une remontée un peu de nulle part parce qu'après ce premier set, personne ne donnait cher de sa peau, je pense. Bah, clairement, et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en as pensé, mais ce premier set, moi j'étais là en mode putain, c'est tout ce que je veux pas voir de lui. Il l'a quasi lâché à la fin. Alors, oui, t'es largement mené, certes, mais tu joues face à peut-être un de tes 2-3 grands rivaux actuels sur le circuit, et ça me saoule de l'avoir vu comme ça, et on l'a vu tellement de fois comme ça, où il balançait des sets, où il balançait des... Bah, des matchs, c'est pas arrivé quand même beaucoup, mais en tout cas des sets, et j'étais là, putain, c'est tout ce que je veux pas voir de lui, et derrière, la réaction, elle est quand même majuscule, même si tu l'as dit, je pense que lui était avantagé par des conditions de jeu, là où Shiyushin l'était pas forcément, maintenant, c'est pas ça qu'on retiendra, et surtout... Bah en fait, j'ai envie de te dire, ça vaut pour Anderson Townsend sur les autres tournois, ça vaut pour Shiyushi sur celui-là, mais quand t'es des mecs de ce niveau-là, j'ai envie de te dire que les conditions t'avantagent ou pas, c'est qu'un faux sujet, parce que je pense qu'on attend d'eux qu'ils aillent au bout, et sur les mondiaux, ce sera le même sujet à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Et l'autre demi-finale peut-être encore plus surprenante, hein, parce que là, je crois que je te l'ai dit par message, j'aurais pas mis 1 euro sur Soutien Chen face à Viti Tsarn, qui semblait tout puissant et peut-être le meilleur joueur de la semaine avant ça. Pourtant, c'est bien Soutien Chen qui s'impose 21-16, 23-21. Viti Tsarn l'a dit lui-même qu'il avait été très surpris par le style de jeu de Soutien Chen, qui avait été super agressif et qui l'avait empêché de contrôler quoi que ce soit. D'habitude, Soutien Chen est un poil plus patient, mais là, je pense qu'il avait tout intérêt, il avait très bien compris à ne pas faire durer les échanges. Et c'est comme ça qu'il bat Viti Tsarn, peut-être un peu court physiquement lui aussi, Viti Tsarn qui a beaucoup joué et qui a gagné notamment la semaine dernière. On va revenir sur la semaine de Soutien Chen parce qu'il a notamment battu Christo, mais quelle semaine il nous fait Soutien Chen et quelle demi-finale. Il a dit à moitié en rigolant, dans ma tête je suis plus jeune que les adversaires. Il faut rappeler qu'il a 35 ans, mais il a le public indonésien l'adore, c'est réciproque. Il joue contre un mec qui est dans sa meilleure forme, qui a 11 ans de moins que lui, et pourtant on l'a pas vu parce que voilà, on a du Soutien Chen un peu vintage là. On a du Soutien Chen un peu vintage, et quand je le regardais jouer cette semaine, je me disais un truc, mais en vrai on a vu quand même Lin Dan et Li Chongwei tous les deux pousser très loin dans leur carrière. Le niveau à l'instant T au même âge, Soutien Chen, c'est quand même un délire. Alors, je ne juge pas l'ensemble de la carrière, hein, vous l'aurez compris, mais au même âge, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même assez fou ce qu'il est encore capable de proposer. Et puis, tu as parlé de Viti Tsarn, de sa finale qui est quand même loin d'être mauvaise, mais c'est Li Shifeng avant, c'est Christo avant. Enfin, on parle de quand même, de, je ne vais pas dire de gamins, mais que des joueurs qui ont moins de 24 ans, 25. Enfin, c'est ouf ce qu'il est capable de proposer, d'enchaîner. Enfin voilà, je pense que Viti Tsarn lui a un peu plus subi physiquement là où un mec de 35 piges est allé en finale. Franchement, je pense que c'est lui qui a eu le tirage le plus difficile, donc je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, la forme de Soutien Chen, alors il est pas capable de jouer comme ça toute l'année, certes, mais c'est quand même assez fou. Ouais, surtout qu'il joue beaucoup en plus, et il choisit pas, contrairement à Lin Dan et Li Chongwei, il choisit pas ses tournois, hein. Il choisit tout en fait, c'est impressionnant. Oui, oui. Là, c'est marrant que tu parles de Lin Dan et Li Chongwei, parce que moi, il m'a fait penser un peu à Novak Djokovic. Alors le fait que j'ai regardé pas mal de tennis sur ces deux semaines m'a a aidé, et je crois que quand il joue son quart, c'est le même jour où Djoko joue sa demi contre Sinner, mais... C'est, alors, il n'a pas le même, carrément pas le même palmarès qu'à Djokovic dans le tennis, tu vois, mais le fait que, et Djokovic est un peu plus vieux, mais tu vois, le mec qui continue à jouer et qui continue d'enchaîner les tournois alors que bah, il n'a plus vraiment besoin, il joue contre des mecs qui ont 10 ans de moins que lui, ou très talentueux, tu vois, mais il y a cette mentalité à part, en fait. Et je trouve que Soutien Chen n'a pas eu le niveau que dans son sport que Djokovic a eu, mais pour moi, il a cette même mentalité, tu vois, de mec bah, qui peut encore durer parce que je sais pas comment le dire, à part qu'il a une mentalité à part, tu vois. Genre, Shiyushi, c'est un excellent joueur de bad. Il a eu et a un niveau que Shu Tianshen n'aura jamais, mais jamais de la vie il jouera à 35 ans, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y en a qui ont ce truc très rare. Et je trouve que Shu Tianshen là, il en a encore fait preuve cette semaine, impressionnant. Carrément. Parlons des Français, Benoît. Bah tiens, on va commencer par Christo, parce qu'on parlait de Shu Tianshen, donc ça a du sens. Tirage un peu pourri avec les Popov qui s'affrontent au premier tour, même carrément pourri. Eux, ça les a pas, ça leur a pas fait plaisir. Et on peut le comprendre. Après, évidemment que ça va arriver. Hein. On a eu Tommy contre Alex récemment. Là, c'est Tommy contre Christo. Et on sait évidemment que ça peut arriver avec trois Français maintenant qui sont dans les tableaux. Victoire de Christo contre son frère, 21-19, 21-13. Benoît, pour être honnête, moi je l'ai même pas regardé ce match parce que ça m'intéressait pas. J'avais le souvenir des derniers matchs entre les deux frères et je trouve que souvent j'avais pas grand chose à en dire. Est-ce que toi tu veux en dire un mot? Ah, c'est très drôle parce que j'ai quand même regardé un résumé parce que je me suis dit. C'est quand même, je vais pas dire le cœur de notre podcast, mais les Français, voilà, on en parle. Mais ma première démarche, ça a été, vas-y, j'ai même pas envie de voir ça. Ils avaient pas envie de jouer ce match-là. Juste, je trouve qu'à la forme du moment, c'est logique que ce soit Christo qui passe, parce que pour moi, c'est lui qui avait le plus de chance, encore une fois, vu la forme du moment, d'aller loin. Bon, ça a pas forcément été le cas, mais je trouve que Christo, en ce moment, est... plutôt en bonne forme. Après, sur le contenu, pour moi, il n'y a rien à tirer. Ils jouent 4 heures par jour ensemble. Enfin, je veux dire, c'est impossible à analyser ça. Derrière, Christo qui perd contre Shu Tianshen, donc futur finaliste de ce tournoi. 21-18, 9-21, 21-17 pour Shu Tianshen. Une fin de match sous tension. On en a un peu parlé sur notre serveur Discord quand on le vivait ensemble. Où Christo, je trouvais, semblait avoir l'avantage. En tout cas, il était, je trouve, logiquement plus frais physiquement. Mais Benoît, ça revient un peu à ce que je disais sur le mental de Shu Tianshen. Il va chercher ce match, on ne sait pas où. C'est très serré. Et là, c'est Christo qui se met à faire les fautes. Et t'as l'impression que Shu Tianshen n'en fait plus une seule. Elle est un peu difficile à expliquer, cette fin de match. Voilà, je trouve que le fait que ce que nous fait Shu Tianshen sur ces deux matchs suivants, met un peu de la pommade, on va dire, mais ça doit faire un peu, ça doit piquer un peu quand même pour Christo parce qu'il sentait qu'il y avait la place. Bah, il y avait clairement la place. Moi, t'as dit que t'aurais pas mis une pièce sur Shu Tianshen contre Viti Tsarn, mais déjà contre Christo dans ce match-là, moi j'aurais pas mis une pièce parce que je pensais que Christo allait le faire. Honnêtement, j'ai été un peu déçu. Je pense que lui aussi a été frustré. Bon, maintenant, il n'y a pas non plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de honte quand t'es Tom et Delphine à perdre contre une paire du top 10 mondial. Christo, il est à peine 20. Alors oui, évidemment, on en attend énormément parce qu'on sait de quoi il est capable en termes de perte de pointe, mais jusqu'à preuve du contraire, Shu Tianshen est mieux classé que lui, plus constant que lui aussi. Donc c'est juste frustrant parce qu'on sait de quoi il est capable et qu'il était capable de le faire là. Mais voilà, comme je dis, je trouve que quand tu vois ce que fait après Shu Tianshen, c'est... Ouais, bah oui. Effectivement, tu te demandes un peu ce que Christo aurait pu donner dans cette partie de tableau. Et le troisième, c'est Alex Lanier, qui était tête de série 8, qui jouait Wang Hongyang au premier tour, le chinois, qui abandonne après la perte du premier set, 21-13 pour le français. Ce qui fait que Alex retrouvait Lo Qin Yu, qu'il avait joué la semaine dernière, que tous les badis français avaient joué la semaine dernière. Donc Lo Qin Yu avait battu Alex. Cette fois, c'est l'inverse. 16-21, 21-14, 21-8. Benoît, je suis curieux d'avoir ton analyse. J'ai trouvé que c'est un match très très bizarre et difficile à analyser. Là où, et le Singapourien a totalement craqué là où il était monté en puissance, je trouve, la semaine passée. Alors, conditions de jeu très différentes, il faut le rappeler. Mais voilà, match bizarre. Ouais, bah déjà, pas du tout le même match parce que la semaine dernière, il y a un premier set maîtrisé par Alex. Pas le cas cette semaine. Il a craqué un peu, c'est vrai, Lo Qin Yu, mais Alex aussi a été, je trouve, beaucoup plus constant dans son niveau de jeu, a commis moins de fautes, et c'est ça aussi qui a fait la différence. Perso, je trouve ça assez logique sur le contenu de l'ensemble du match, Et ouais, il explose un peu dans le troisième set, c'est vrai. Mais je trouve un peu que ça renvoie aussi Lokinyu à beaucoup de défauts qu'il peut avoir dans son jeu. Et Benoît, cette défaite face à Ken Lavutvititsarn, 21-12, 21-16, c'est un classique qu'on a eu pas mal et qu'on risque encore d'avoir pas mal. Ce Lanier-Vititsarn, ça faisait 2-1 pour Alex, me semble-t-il. Cette fois, match compliqué, même si je trouve le score assez sévère, parce que je trouve que dans le jeu, il y avait pas une si grande différence que ça, juste que Vititsarn a notamment très bien géré la fin du match, et j'ai trouvé qu'on avait senti Alex moins à l'aise sur le terrain et bien mis en danger par le jeu de Vititsarn qui allait tout chercher, quoi. Ouais, moi je trouve qu'ils sont quand même beaucoup jaugés. J'ai été presque un peu déçu de, enfin je m'attendais à pas plus spectaculaire, mais je m'attendais à plus de niveau. Et je trouve que ce qui a fait la différence, et le score est assez sévère, je trouve, c'est quand même les fautes non provoquées par Alex à chaque fois dans les deuxièmes parties de set. C'est plus ça que Vititsarn n'a pas fait, peut-être. Et Benoît, pour finir sur ce match aussi, je suis comme toi, je me suis dit qu'il y avait aussi peut-être des fautes non provoquées, mais c'est peut-être aussi naturel de jouer, de surjouer peut-être un peu contre un Vititsarn à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai été très surpris de voir Vititsarn perdre après en demi, parce que vu le match qu'il fait là, et les deux premiers tours qu'il fait d'ailleurs, pour moi, Vititsarn, à ce moment-là, il allait au bout à 100%, quoi. Ah, mais c'est clair. Au vu des deux dernières semaines de Vititsarn, et même de sa forme actuelle, t'es obligé de faire plus que ce que tu fais habituellement pour battre ce gars-là, qui est clairement... franchement, je sais pas si c'est le meilleur du circuit, parce que c'est pas lui qui a gagné cette semaine, mais en tout cas, un des mecs les plus en forme du moment, très clairement, largement. Voilà, Benoît, il y a eu beaucoup de choses à dire sur ce tableau. On en a déjà dit une grande partie. On a parlé de Chiushi, d'Anton Sen, de Vititsarn, de Shu Qianchen. On a dans les joueurs que vous connaissez, donc on a Li Shifeng qui fait quart. On a Christy qui perd au deuxième tour et qui, lui, semblait vraiment pas trop à l'aise sur le terrain malgré le fait qu'il soit à domicile. Il perd au deuxième tour contre Li Chaqiu. Farhan, champion du monde junior, ancien champion du monde junior, qui n'avait pas passé loin de battre, qui a fait du mal à Anton Sen au deuxième tour. Voilà, Benoît, je sais pas si tu veux continuer ou on change de tableau. Ouais, je pense qu'on en a assez, on en a parlé assez longuement, on peut enchaîner. Allez, on passe tout de suite au simple dame. Aimez-vous le badminton ? Oh non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Simple dame remporté par Han Se-young, la coréenne, qui bat en finale Wang Zi, la chinoise, 13-21, 21-19, 21-15. Benoît, ce match qui m'a fortement rappelé leur finale du All England, où c'était quasiment le même score, avec Wang Zi qui prend le premier et qui perd les deux d'après alors qu'elle a de l'avance. Là, elle avait notamment beaucoup d'avance dans le deuxième. Elle menait 17-9, 1-7-0, 17-9. Benoît, 1-7-0, 17-9 contre 99,9% du circuit, tu peux déjà penser à ton tour d'après, où là en l'occurrence c'était la finale, donc tu peux penser à la pause que tu vas faire sur le podium. Seulement le 0,0001%, il s'appelle Han Se-young. Il s'appelle Han Se-young qui a dit elle-même qu'elle n'était pas très à l'aise sur le terrain, elle s'est trouvée elle-même en manque de confiance, mais elle est tellement forte. C'est impressionnant, Benoît. Elle me bluffe. Le même jour, il y a eu la finale de Roland Garros avec Alcaraz qui revient de nulle part uniquement parce qu'il a un mental de fou. Han Se-young, mentalement, elle fait partie de cette même catégorie, quoi. Oh, très clairement. C'est son cinquième titre cette année. Elle a pris les 3000 déjà. On est déjà sur une saison historique, mais surtout, elle te dit. Et je pense que nous, on l'a vu aussi, on l'a analysé la semaine dernière face à Chen Yufei. Je pense que ça lui a fait mal dans la tête de perdre contre Chen Yufei, alors qu'elle était en, je vais pas dire totale confiance, mais quasi, où elle voyait qu'elle était meilleure que tout le monde. Là, ça fait un coup d'arrêt. Et je pense que cette semaine, elle s'est posé des questions. Et dans ce match contre Wang Zi, il y avait de quoi s'imposer. Comme il y a eu de quoi s'imposer au All England, dans un contexte différent, Wang Zi, là, elle a encore proposé, je trouve, beaucoup de choses. Elle a vraiment essayé offensivement, elle a essayé de mettre beaucoup de rythme, de prendre les volantos, elle a posé énormément de problèmes à Han Se-young. Franchement, je vais pas dire que c'est pas mérité, parce que on n'est pas là pour juger du mérite du score ou quoi, mais c'est très très dur pour Wang Zi, je trouve, de pas aller le chercher tant tout ce qu'elle a fait était quasi parfait. Oui, c'est clair. Benoît, alors que Wang Zi fait la même chose à Anhui dans l'épisode qu'on a enregistré mais qu'on n'a pas pu diffuser au Malaysia Masters, on avait eu un peu la même analyse à l'inverse. Oui, c'est-à-dire oui. que Wang Zi n'avait pas été la meilleure, mais elle avait gagné. Et là, elle se prend un peu l'inverse contre Han Se-young. Mais Benoît, on va manquer de superlatif pour cette joueuse. Franchement, tu l'as dit, elle est allée chercher les 3000, donc les trois plus gros tournois qu'elle a joué, parce qu'il y avait les championnats d'Asie, mais elle ne les a même pas joués. Mais tu vois, elle gagne en Malaisie, elle gagne au All England, elle gagne en Indonésie. Donc depuis qu'il y a 4 Super 1000, c'est-à-dire 4 ou 5 ans, ça n'a jamais été fait. Déjà en simple, même quand il y en avait 3, je crois que ça n'a jamais été fait. Benoît, c'est une mainmise sur son tableau. Et encore une fois, elle l'a dit, selon ses standards à elle, ce n'est pas une bonne semaine. Et c'est vrai, Benoît, elle a été un peu... mise en difficulté, elle se fait remonter par Yamaguchi en demi alors qu'elle mène largement. Et c'est pas visible sur les scores parce qu'elle met des grosses tôles, mais elle se trouve pas assez à l'aise, on va dire, sur le terrain. Et Benoît, ce genre de déclaration, quand on voit qu'elle va quand même au bout à la fin de la semaine, ça doit vraiment faire peur à la concurrence, parce que qu'est-ce qui va se passer si elle arrive aux Mondiaux en étant à l'aise? C'est-à-dire que personne ne lui mettra 15 points. Bah, c'est un peu ça, et je trouve ça aussi, ça en dit long de le dire comme ça devant les caméras. Il y a plein de joueurs ou joueuses, peu importe les sports, ou, qui vont cacher ce genre de trucs parce que c'est donner des indices ou des faiblesses aux adversaires. Elle, en fait, elle est tellement concentrée sur elle-même qu'elle peut venir te dire après un premier tour, je suis pas en confiance, c'est dur, j'ai du mal. Et en fait, elle s'occupe pas et elle se soucie pas de comment les autres vont accueillir ce qu'elle va dire. Et ça, je trouve ça... Enfin, ça en dit aussi long à la fois sur la confiance qu'elle dit ne pas avoir et sur la confiance en fait qu'elle a en elle. Ouais, et en plus, Benoît, j'ai pas l'impression qu'elle le dise pour se plaindre ou pour venir chouiner ou pour faire la fausse modeste. Je trouve que... Enfin, elle a ce truc assez honnête de dire... c'est impressionnant, quoi. Alors que dans le contenu... c'est vrai que ça n'a pas été sa meilleure semaine, mais elle a une telle marge sur les autres. Enfin, on est tellement face à une championne qui écrit et va continuer d'écrire l'histoire de ce sport, qui va peut-être devenir, on verra avec le temps, la meilleure de tous les temps, que voilà, on peut que se réjouir de l'avoir gagnée, même si voilà, ça peut introduire une certaine lassitude. Mais j'ai l'impression qu'elle a ce truc un peu fédérateur, Han Se-young, qui fait que on va difficilement être lassé de l'avoir joué et de l'avoir gagné. En tout cas, je le pense. Benoît, dans ce tableau, évidemment, il faut qu'on parle de Chen Yufei qui était là, mais qui a abandonné après 2 tours alors qu'elle devait jouer sa compatriote Anhui. Bon, Benoît, déjà cet abandon pour blessure peut être un peu compréhensible. C'est pas une grosse blessure, mais Chen Yufei a beaucoup joué. Et comme souvent, quand une Chinoise abandonne, les autres ne passent pas à côté. Donc, on a eu notre demi entre Anhui et Wang Zi, beaucoup plus facilement remporté par Wang Zi que leur dernière confrontation, 21-12, 21-13. On a eu une bonne semaine d'Akane Yamaguchi qui... Benoît, Yamaguchi, là, bon, elle bat pas de joueuses monstrueuses. Peut-être Wardani en quart, 21-19, 22-20. Elle perd 21-18, 21-17 contre Han Se-young en demi. Benoît, Yamaguchi qui est un peu rentré dans le rang, mais elle fait, on va dire, son boulot de tête de série 3 depuis quelques semaines. C'est-à-dire qu'elle fait une demi. Quand elle joue une joueur mieux classée, elle a plus de mal. Mais je pense qu'à ce stade de sa carrière, ça va être difficile d'en attendre plus de sa part. Oui, en fait, c'est ça. C'est que elle est rentrée dans le rang si on compare au niveau qu'elle a pu avoir. Maintenant, de triple championne du monde. Est-ce que si elle fait une... Bah, c'est ça. Est-ce que si elle fait une médaille mondiale aujourd'hui, c'est pas déjà des mondiaux réussis? Moi, je pense que si. Et je pense que la semaine qu'elle fait là, avec les forces actuelles qu'elle a, c'est une bonne semaine. Ouais, double championne du monde, je me corrige. Mais oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord, d'accord avec toi. On a eu un petit remake de finale mondiale entre PV Sindhu et Okuhara, finale qui a eu lieu 2 fois, cette fois pas le même niveau malheureusement, et ce n'est qu'un premier tour remporté par PV Sindhu en 3-7. Elle perd elle-même après en 3-7, 21-18 au 3ème contre Cho Shu-hong, la tête de série 6 au second tour. Voilà, les européennes, pas vraiment à la fête. Kirsty Gilmour qui perd au deuxième tour. Et Lynn Kerfeld qui perd au premier tour contre Yamaguchi. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de Tomoka Miyazaki qui a battu Michelle Lee? Maintenant, de toute façon, Michelle Lee contre Miyazaki, c'est un match qu'on a toutes les semaines, j'ai l'impression. 25-23 au premier tour, blessure je crois de Michelle Lee en fin de match qui l'a empêché de, malheureusement pour elle, de jouer à 100%. Mais Miyazaki qui perd contre Gao Fangjie, est-ce que... Évidemment, Benoît, elle est super jeune, on ne va pas du tout la condamner à quoi que ce soit, mais est-ce qu'elle rentre elle aussi dans le rang? Est-ce que maintenant les joueuses en face l'attendent un peu plus? Est-ce que c'est juste 2-3 semaines un peu difficiles pour cette joueuse de 18 ans, je le rappelle? Comment tu vois la chose? Bah, je pense qu'il y a quand même... Je dirais pas rentrer dans le rang, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, elle est plus attendue, plus connue aussi des adversaires, et là clairement on va être capable de voir si elle arrive à passer ce step de je suis arrivé très vite très fort à je m'installe vraiment dans le top 5 mondial, et alors que on attend ça de moi. Naraoka l'a pas fait par exemple. C'est vrai. On enchaîne donc avec le double homme. Dieu dit Adam. Le double homme remporté par Kim Seo, les Coréens. 18-21, 21-19, 21-12 contre Gutama Isfahani, les têtes de série 8 indonésiens. C'était les seuls représentants indonésiens en finale. Et donc, ils se sont inclinés en fin de journée contre Kim Seo. Kim Seo qui ont deux points communs avec Han Se-young, c'est-à-dire qu'ils sont coréens et qu'eux aussi ont remporté les trois Super 1000 qui se sont joués cette année. Donc, la Malaisie, l'Angleterre, puis ce tournoi en Indonésie. Et Benoît, d'ailleurs, on peut faire un autre parallèle avec Han Se-young, c'est que c'est leur troisième 1000 de l'année, mais c'est pas leur meilleure semaine, mais ils gagnent quand même. Ouais, c'est une bonne conclusion, et j'irais même, je sais pas si j'irais plus loin dans la comparaison avec Han Se-young, mais j'irais même plus loin, c'est la meilleure paire au monde cette saison, et même quand ils sont pas au top, franchement, c'est ce qu'ils sont capables de produire, c'est fort. Hein. Même d'un point de vue... jeu, mais d'un point de vue aussi physique, parce qu'ils arrivent à enchaîner les semaines, là où d'autres, ah, tu te dis, ah, Viti Tsarn, il a beaucoup joué, il a beaucoup gagné ces deux dernières semaines, la troisième, c'est compliqué. Eux, franchement, je me demande à quel moment c'est compliqué. C'est vrai, donc... Oui, non, totalement. C'est vrai que ils sont vraiment ultra impressionnants. Ils jouent ensemble depuis quoi? Depuis quelques mois seulement. Et ils ont déjà gagné les trois plus gros tournois de l'année, en attendant peut-être un quatrième en Chine plus tard dans l'année. Mais ils sont ultra impressionnants. Pour revenir, Benoît, sur cette finale contre Gutama Isfahani, qui a vraiment un jeu un peu atypique, je ne sais pas trop comment le décrire, ça part vraiment dans tous les sens, beaucoup, beaucoup de prises d'options, parfois bonnes, parfois moins bonnes. Les Indonésiens qui prennent le premier, qui ne sont pas loin de prendre ce deuxième, et finalement ils se font un peu punir au troisième. C'est ça en fait, Benoît, c'est aussi pour ça, c'est qu'on a senti les Coréens un peu plus... ils ont eu du mal à contrôler ce match face à des Indonésiens un peu foufou, mais on va dire que eux ils ont fait un peu plus baisser les rythmes, ils ont essayé de rendre le match un peu plus normal en fait pour pouvoir aller le chercher, parce que en défense ils sont bien meilleurs par exemple. Ouais, ils sont bien meilleurs, et d'ailleurs c'est intéressant que tu parles de ça, parce que c'est un des points que j'avais relevé dans une note de leur match, on va en parler juste après sans doute, mais ils ont un peu essayé de baisser les rythmes, c'est vrai, et après on peut aussi se dire que le rythme imposé par Gutama Isfahani, il leur a été fatal à eux-mêmes, parce que dans le troisième, ils ont explosé, notamment physiquement, parce que tu peux pas, enfin, t'es quand même au bout d'une grosse semaine, et en plus, eux, ils ont quand même joué des gros matchs face à des grosses paires, et tu peux pas tenir ce rythme-là face à Kim Seo. Ils seront bien meilleurs que toi, parce qu'ils vont toujours te forcer à faire le coup en plus. Effectivement, quand tu vas pas chercher ce deuxième, tu te doutes que ça va être très très compliqué. C'est vrai que Kim Seo, ils sont impressionnants, tu vois, parce que eux ont joué tous les matchs la semaine dernière. Là, ils jouent à nouveau tous les matchs possibles, 5 matchs, et ils sont encore là. Benoît, sur quel match de leur semaine tu veux revenir, Kim Seo? Ils ont battu Chen Lin, Nomura Shimogami, deux premiers tours assez tranquilles sur le papier, même s'ils ont galéré en perdant un set contre les Japonais. Derrière, ils mettent 21-19, 21-9 à Oki Kobayashi en quart de finale. Puis 21-18, 19-21, 23-21 contre Alfian Argento en demi. Ça, c'était assez, assez énorme. Peut-être un mot de cette demi où là, pareil, ils sont allés la chercher au mental. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas forcément la meilleure paire. Mais, et là, c'est un peu dur, mais que le mental, j'aime pas ce mot, mais défaillant d'Alfian Argento leur a coûté cher. Ouais, peut-être. Il y a quand même un volant de match sauvé. Et franchement, c'était un super match. Ils ont été bourreaux des Indonésiens cette semaine, c'est dur. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, Kim Seo, c'est peut-être pas toujours les meilleurs. Ils jouent peut-être pas toujours à leur meilleur niveau, mais ils sont quand même meilleurs que les autres parce qu'au final, c'est eux qui gagnent. Et c'est ça que je trouve impressionnant. Et même contre Oki Kobayashi, je me suis dit, putain, Oki Kobayashi sont vraiment bons cette semaine. Peut-être qu'on va avoir un gros match, mais en fait, encore une fois, Kim Seo, ils sont l'anti-Oki Kobayashi, c'est-à-dire qu'en face, t'as une paire qui attaque pas assez bien pour leur poser des problèmes. Et vraiment, ils se sont fait punir comme si c'était des enfants. Alfian Argento, dans un autre registre aussi, je trouve qu'ils se sont fait un peu punir comme des enfants parce que t'as parlé de mental défaillant. Pour moi, ils auraient jamais dû perdre ce match. Mais voilà, quand on juge la globalité de la semaine, ça on aura oublié. Et Kim Seo, ils sont allés au bout. Ils s'en sortent un peu dans tous les scénarios, tout le temps. Donc c'est assez impressionnant pour ça. C'est ça qui est fort et c'est ça qui est intéressant avec le double homme actuel, c'est que le niveau, il est assez homogène, mais les styles de jeu sont très hétérogènes. Et Kim Seo, on sait qu'il y a des paires qui ont du mal contre une autre paire spécifiquement. Eux, ils arrivent à battre tout le monde, en fait, quels que soient les styles. Tu vois, Oki Kobayashi, Alfian Argento, c'est des styles très différents. Mais ils arrivent à chaque fois à s'en sortir. Et pour Alfian Argento, je disais ça parce que c'est, enfin, de mémoire, c'est vraiment pas la première fois. On a vu leur match contre, c'était Astrup Rasmussen la semaine dernière, et là ils perdent ça. C'est, ouais, le nombre de fois où ça leur arrive, c'est vraiment trop. Après, eux, je pense qu'ils se contenteront d'une demi parce que vu leur niveau actuel, demi c'est pas si mal. Mais là, il y avait clairement le moyen d'aller chercher mieux. Benoît, parlons des Français, après on reviendra sur les têtes de série. Alors je ne parlerai pas d'Adam Rossi puisque malheureusement ils ont déclaré forfait et donc mis fin à leur tournée asiatique pour une blessure. Ils devaient jouer Arif Yap, les Malaisiens, au premier tour. Parlons plutôt des Popov qui sont vraiment pas mauvais en double en ce moment, pas mauvais tout court d'ailleurs, et qui après s'être affrontés en simple le même jour, affrontés Kedren et Poivaranoukro. Les Malaisiens, donc Poivaranoukro qui donc a fait finale en mixte. Match perdu par les Français, 21-23, 21-17, 21-18. Benoît, un très très très gros match. On sait que les défaites au premier tour, c'était un peu la spécialité des Popov sur les dernières saisons. Mais là, je trouve qu'il faut vraiment pas s'arrêter au résultat parce que je trouve que le contenu a été très bon. Et sans vouloir rabaisser Kedren, je trouve que à la fin du match, Poivaranoukro a décidé qu'il allait le gagner tout seul et c'est quasiment ce qu'il a fait. Et j'ai l'impression que les Popov pouvaient pas faire beaucoup mieux. Je trouve que c'est beaucoup moins. Si vous avez écouté notre épisode de la semaine dernière, je suis beaucoup moins sévère que quand ils avaient perdu contre Kim Seo. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi parce que pour moi, il y a eu une bascule cette saison. En vrai, franchement, tu peux regarder des premiers tours des Popov, c'est plus du tout les mêmes analyses que tu faisais il y a un an et demi. Alors peut-être qu'ils vont en perdre et ils en perdent encore, mais c'est normal, c'est une perte du bas top 20 mondial, enfin quand je dis bas top 20, bas top 10, tu vois, mais entre 17 et 20, donc c'est normal qu'ils perdent des matchs au premier tour. Il n'y a que les 32 meilleurs paires dans les tableaux, donc c'est logique, mais c'est clairement plus le même contenu comme tu l'as dit. Ouais, le niveau de Kedren, c'est un autre sujet. Je sais à quel point toi tu estimes qu'il est peut-être pas à la hauteur de Poivaranoukro, et ce qu'il a montré là, on peut difficilement te dire le contraire. En tout cas, si on juge que les Popov, c'était aussi une journée difficile parce qu'ils ont joué le même jour que leur simple. Je pense que ça a un peu joué aussi, mais très clairement, ils ont fait jeu égal avec une paire qui a un potentiel de top 10 mondial. Ouais, et Benoît, je le disais un peu sur le Discord pendant le match, ils ont tous les deux progressé, ça c'est sûr, mais je trouve que le niveau de Tommy en double, ça devient vraiment quelque chose. Hein. Je trouve qu'il a plus le jeu encore que son frère, et pour un mec de sa taille, ce qu'il arrive à faire en défense et à plat, c'est impressionnant surtout. C'est surtout ça en fait qui m'impressionne, tu vois, parce que pour moi, Christo, il a un peu plus le physique d'un joueur de double traditionnel, un peu plus proche des Asiatiques par exemple. Bon, après, Kedren Poivaranoukro, pour le coup, ils sont c'est encore des plus petits profils, tu vois, mais enfin, ce qu'arrive à faire Tommy avec son physique, et évidemment, il peut compter sur un smash très très puissant. Enfin, moi, vraiment, ça m'impressionne. Ouais, mais je comprends pourquoi. Genre, si tu veux, on va lancer une petite pétition pour avoir une paire avec un autre joueur que son frère, peut-être un jour ou l'autre. Ouais, dont le prénom ressemblerait un peu, tu vois. Genre, peut-être Thomas, mais sans le A. Ouais, on va peut-être chercher. Ouais. Ouais, peut-être un mec avec qui il a joué en junior. Oh, on va chercher. Au je hasard. Pense qu'on va peut-être on va trouver quelqu'un qui correspond à ce profil. Et d'ailleurs, Kedren Poivaranoukro qui se sont fait punir contre Gautama Isfahani au tour d'après. Ils ont pris 13 et 9. C'était assez sévère. Benoît, je sais que. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction des numéros 1 mondiaux? Parce que Astrup Rasmussen, avant qu'il le soit, ils étaient excellents. Ils sont devenus vraiment mauvais quand ils l'étaient. C'était un peu pareil pour Goizudin, à un niveau peut-être un peu moindre. Je sais que toi, tu ne l'as pas accueilli comme une très bonne nouvelle que cette paire devienne numéro 1 mondial, même si je sais qu'à la base, tu n'as vraiment rien contre eux. Là, ils passent deux tours contre des paires un peu inférieures avant de perdre contre Gautama Isfahani 21-19 au troisième. Benoît, qu'est-ce que tu en penses de Goizudin? Alors, évidemment, enfin, je trouve qu'ils n'ont pas le niveau de numéro 1 mondial, mais est-ce qu'ils jouent vraiment moins bien ou alors est-ce qu'ils ont des circonstances atténuantes? Ils perdent contre une paire qui fait une grosse semaine, qui est peut-être en 2025 la meilleure paire indonésienne. Je ne pensais pas le dire, mais ça se discute. Pour moi, quart de finale sur 1000, c'est plus ça leur réel niveau en fait. Surtout qu'ils perdent 19 au troisième, ils sont, tu vois, c'est pas non plus on a profité d'un bon tableau, on est ridicule, non. Mais pour moi, c'est plus leur niveau. Pour moi, c'est une paire qui est peut-être top 5, top 8 dans le double homme actuel. Et du coup, en quart de finale d'un 1000, elle est à sa place. C'est là où je dis que numéro 1, c'est peut-être un peu élevé, sachant qu'on sait tous pertinemment que peu importe qui est numéro 1, c'est par intérim tant que c'est pas Kim Seo. C'est vrai que c'est un peu ça, ouais. Pour l'instant, tu peux mettre n'importe quelle paire numéro 1, c'est juste pour chauffer la place en attendant que ceux qui ont le niveau de numéro 1, c'est-à-dire les Coréens, aient les points pour occuper cette place. Maintenant, on était sur les Malaisiens, parlons de Chiasso, peut-être défaite un peu. C'était la paire du moment, ils gagnent la semaine dernière à Singapour. Là, ils perdent au premier tour contre les Danois Kjærsgaard, 13-21, 21-19, 21-13, 19-21, 21-18. Est-ce qu'ils retombent dans leur travers? Est-ce qu'il ne faut pas s'en faire et c'est juste l'enchaînement des matchs qui a été difficile? On l'a dit, des conditions de jeu assez différentes de ce qu'elles étaient à Singapour. En gros, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou alors est-ce qu'on oubliera vite cette défaite? C'est une bonne question, mais ça fait partie de ce qu'on disait en début d'épisode. C'est le genre de jugement qu'on essaie de ne pas porter. Ça fait 3 mois ou 2 mois qu'ils jouent bien. C'est pas parce qu'ils se font sortir au premier tour alors qu'ils viennent d'enchaîner quand même beaucoup de matchs et surtout face à une paire qui fait quand même alors qu'il se fait sortir au tour d'après mais qui produit un très bon niveau de jeu. Je demande à voir. Moi j'ai pas oublié ce que j'ai dit sur Chiasso ces dernières semaines, j'ai pas oublié ce qu'ils ont produit. Ils ont pas été nuls là. Voilà, c'est moi je pense juste une sortie de route au vu de ce qu'ils nous ont montré. Et on en reparlera s'il y a trois tournois comme ça. Mais maintenant, non, je ne suis pas inquiet plus que ça cette semaine. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu le côté un peu traître des tournées comme ça fonctionne dans le bad actuel. C'est-à-dire que vu qu'on finit toujours par les plus gros tournois, quand tu fais des très grosses perfs les semaines d'avant, tu prends des points, mais à la fois, tu ne te mets pas dans les meilleures conditions pour perfer sur le tournoi qui compte, c'est-à-dire le 1000. Tu me diras, Kim Seo arrive à le faire en jouant finale la semaine dernière, mais tout le monde n'en est pas capable et ouais, je ne tomberai pas sur Chia et Seo cette semaine. Ranki Reddishetty était dans cette partie de tableau. Il bat Carnando Molona en 3-7, puis Kjærsgaard en 3-7, 22-20 au 3e, avant de perdre face à Manetti. Et c'est là, Benoît, qu'on reste dans les... Enfin, Benoît, en Malaisie, ils doivent se régaler en ce moment. Chaque semaine, ils ont un double homme qui perf. Alors là, ce n'est entre guillemets qu'une demi-finale pour Manetti, perdu 20, 21-18 au troisième contre Gautama Asfahani. Je ne sais pas trop comment les juger Manetti, mais en tout cas, ils font plutôt le boulot avec les opportunités qu'ils ont en ce moment. Oui, c'est comme ça que je le résumerais. En tout cas, est-ce que Manetti, c'est beaucoup moins bon que Goizudin? Est-ce que Manetti, c'est beaucoup moins bon ou largement meilleur que Onkteo? Alors, Onkteo ne sont pas dans la forme de leur vie, tu vois, mais... C'est un peu dur hein, pour Goizudin ce qu'on dit là, mais pour moi, c'est des paires qui sont actuellement dans le top 10 à leur place. Mais effectivement, il y a quand même une grosse densité en Malaisie, et très clairement, c'était pas le cas il y a 2-3 saisons où tu avais Chiasso et parfois une autre paire qui arrivait à faire des perfs. Mais là, ouais, t'as 3-4 paires, mais voire parfois 5 quand il y en a une qui fait un exploit, qui peuvent aller loin dans les tournois. Astrup Rasmussen ont perdu au deuxième tour contre Oki Kobayashi 29-27-21-11. Et la dernière paire sur laquelle je voulais t'interroger, Benoît, c'est Liang Wang qui perdent au deuxième tour contre leur compatriote Wang Liu. Ils étaient tenants du titre, Liang Wang. Qu'est-ce qu'on en fait de cette paire? Alors, ils perdent 21-16 au troisième, wow. C'est pas non plus ridicule, mais pour moi, ils doivent faire au moins demi sur avec ce genre de tableau. Ils étaient encore très très fort il y a quelques mois, là maintenant c'est plus compliqué, tu l'as dit et je suis assez d'accord, dans un double homme qui n'est pas à son meilleur niveau ever, mais qui est ultra ultra compact, où il faut vraiment jouer des coudes, voilà, est-ce que tu veux en dire un mot du coup? Non mais pour moi c'est un gros problème, parce que eux, leur niveau on le connaît, enfin, quand on peut paraître dur avec Goizudin, avec Astrup Rasmussen, avec d'autres, pour moi, Liang Wang, ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau pour être vraiment dans la cour des très très grands et pas juste à l'instant T dans le double homme actuel. Ils ont prouvé qu'ils étaient, à mon avis, leur niveau justifié d'aller chercher des championnats du monde, peut-être des JO, un vrai palmarès. Et c'est assez incompréhensible ce qui s'est passé. On a essayé de chercher des explications, peut-être on en a trouvé, en tout cas on avait des théories, mais... C'est quoi l'idée? C'est on les split, sachant que c'est quand même deux joueurs très très forts. Est-ce qu'il y a des joueurs avec qui on peut les mettre et qui peuvent prétendre au même statut qu'ils ont eu ensemble? Bah, je sais pas ce que t'en penses, Ewan, mais j'ai du mal à... Pour moi, ils avaient tout, vraiment, pour régner ou en tout cas être au niveau que Kim Seo ont aujourd'hui. Sauf que là, aujourd'hui, c'est plus une catastrophe qu'autre chose, donc c'est très décevant. Ouais, surtout Benoît que la Chine n'a plus le réservoir qu'ils avaient il y a quelques années, donc tu peux moins les split et les mettre avec des gens forts, puisque là RN avec les galères extrasportives de He Jingting, ça veut dire que RN ils sont plus nulle part, les mecs on les a oubliés, ils ne jouent même plus. T'as d'autres paires qui sont pas trop mal classées, tu vois, t'as Chen Liu qui sont 13, etc. Mais pour moi, il n'y a pas d'autres joueurs très bons avec qui tu peux les mettre. Ils ont d'ailleurs fait une mini-tentative, ça s'est pas très bien passé. Donc je pense que la Chine va devoir être patiente, mais c'est pas forcément le fort de la CBA. Donc on va voir ce qui se passe avec Liang et Wang. Nous, en attendant, on va aller vers un tableau qui réussit un peu mieux à la Chine, le double dame. Look at this, look at that. Benoît, ça a été noté d'ailleurs, on a eu des très très belles finales, ce qui n'est pas toujours le cas, donc oui, avec oui. les fins de semaine, et notamment un très beau double dame remporté par les têtes de série 1, les chinoises Liu Tan face aux malaisiennes Tan Tina, 23-25, 21-12, 21-19. Benoît, c'était la première finale sur un 1000 pour Tan Tina, qui se spécialise un peu dans les matchs que les défaites douloureuses, on va dire. Mais là, je trouve ça assez logique. Deux paires, Benoît, qu'on avait comparées, je crois, dont on n'a pas parlé ces dernières semaines, qui sont en gros des paires qui n'ont pas le même style, mais qui n'ont qu'un style et qui parfois ont du mal à s'adapter tactiquement et techniquement. Du coup, ça nous promettait un peu un match feu d'artifice, Benoît, et on l'a eu. Bah, très clairement, et juste pour revenir sur ce que tu disais au tout début, c'est aussi ce qui contribue à dire qu'on a eu la meilleure semaine de l'année, c'est que il y a eu des très beaux matchs avant les finales, mais on a eu aussi des très bonnes finales, notamment celle-là. Je suis curieux de t'entendre dessus, parce que moi, j'ai quand même pris pas mal de plaisir. Liu Tan, je trouve qu'elles ont un peu corrigé le tir. C'est que leur troisième titre cette année... il n'y en a pas eu trois, c'est le deuxième, j'ai une connerie. Et surtout, le premier 1000, il y en avait eu zéro jusque-là. je pense que toi et moi, on était quand même assez d'accord pour dire que c'était décevant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé sur cette finale. Je pense que là, les deux adversaires, ça les a aidés. En tout cas, je pense que le style de jeu en face était plutôt favorable aux Chinoises. Maintenant, elles font une vraie semaine. Elles vont chercher, à mon avis, le titre qui leur manquait avant les Mondiaux. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'elles ont corrigé le tir un peu. Ouais, c'est ça, troisième titre, t'as raison, parce que deux sur le circuit, mais elles sont championnes d'Asie aussi. Ouais, là où Benoît, où je te rejoins, c'est que, alors, elles ont beau perdre le premier set à pas grand-chose, quand ça a été un peu chaud, en fin de troisième, ça fait 18-18, 19-19, j'avoue que j'aurais mis mon argent sur elles, alors que pourtant, de mémoire, elles doivent être un peu, elles doivent être plus jeunes que les Malaisiennes, mais une sensation, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, peut-être une sensation de maîtrise, Benoît, que je retrouvais pas vraiment chez les Malaisiennes qui partent un peu plus dans jamais. Tous les sens. Qu'on bah retrouve oui. jamais, c'est vrai. C'est aussi pour ça que je les aime bien, moi, Tantina, c'est que dans leur match, il peut tout se passer. Mais notamment en demi, où elles reviennent un peu après un premier set pas bon. Mais Benoît, peut-être, ça nous paraît peut-être normal, avec surtout parce qu'elles sont chinoises et que en Chine, tu dois performer très jeune, et du coup on trouve ça limite normal, mais tu vois là le calme qu'elles affichent à 21 et 22 ans en finale d'un 1000 dans une ambiance très très chaude, plutôt acquise à leur adversaire, tu vois, c'est, il faut saluer ça, alors qu'elles n'ont pas forcément l'année de surdomination qu'on pouvait leur prédire, mais le calme qu'elles arrivent à afficher et la maîtrise des fins de match, Benoît, je pense que c'est à noter pour Liutan. Oui, tu fais bien de le faire. Les exigences et les attentes qu'on a pour elles, je pense qu'elles sont très élevées et à la hauteur de ce qu'elles ont pu nous montrer aussi. Certes, elles n'ont que 21 ans, mais elles ont déjà tellement montré que nous, les premiers, en tant qu'observateurs, on est là en mode « mais on veut des saisons à la Chengia ». Sauf que faut pas oublier que Chengia, à 21 ans, elle commençait à gagner toutes les deux. D'ailleurs, elles ne jouaient même pas ensemble à cet âge-là, mais elle ne régnait pas. Là où Liutan, on a attendu très vite ça. Et ouais, t'as raison de le souligner. Il y a un calme, une patience dans les moments chauds notamment, alors que c'était quand même pas une évidence. Tantina, il peut se passer tellement de trucs, c'est pas évident. Et même si effectivement, on leur trouve encore des gros défauts, elles sont les meilleures du circuit actuellement. Donc ouais, c'est quand même assez fou. Et effectivement, nous, on leur trouve des défauts, mais il y a aussi énormément de qualité, parce que tu n'arrives pas à ce niveau-là juste avec les défauts qu'on peut décrire chaque semaine. Les têtes de série 2, Matsuyama Shida, étaient forfaits, ce qui a un peu ouvert le tableau. Les autres têtes de série ont été à leur place. Hein. Baek Lee, les Coréennes qui étaient, me semble-t-il, double tenante du titre, ouais, c'est ça exactement. Se sont arrêtés en demi-finale, battus par Liutan, aussi là dans un beau match, remporté 21-19, 21-18 par les Chinoises. Et les têtes de série 5, Li Luo, ont perdu dans l'autre demi contre Tantina, 12-21, 21-17, 21-11. Il y a eu des matchs assez sympas dans ce double dames. Tantina sont souvent impliquées, je trouve. Elles battent Mayasari Ramadanti, la paire indonésienne, 18-21, 21-17, 21-16, 21-17 au deuxième tour. Et ensuite, elles mettent une correction à Iwanaga Nakanishi en quart. Et dans la partie un peu plus haute du tableau, on avait Fukushima Matsumoto qui ont perdu 21-9, 21-19 contre Li Luo, les Chinoises, en quart. Et Kusuma Pratiwi qui ont perdu un gros match en 3-7. 18-21, 21-16, 21-7 contre Baek Lee et Jia Zhang, qui souvent anime aussi ces tableaux, même si elles ne sont pas tête de série, donc elles ont des tirages difficiles. Et ce qui fait qu'elles ont perdu dès le deuxième tour contre Kim Kong, les Coréennes, qui ont perdu elles-mêmes en deux contre Liutan. Voilà, peu de moins de choses à dire sur le double dame, parce que il y avait pas mal de paires assez, on va dire, inférieures. Et pas de française, malheureusement. Première victoire chinoise en double dame dans ce tournoi depuis 2017. C'était évidemment Chen Jia, mais ces derniers temps, c'est... D'ailleurs, on a eu trois doublés d'affilée. Fukushima Hirota qui font 2018-2019, Matsuyama Shida qui font 2021-2022, et Baek Lee qui font 2023-2024. Donc, Benoît, moi qui ne suis pas parieur, je mettrai peut-être une pièce sur Liutan l'année prochaine. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le double dame. Bah, c'était la... On a vu aussi les paires indonésiennes, là, Rahayu Setian Ingrum et Mayasari Ramadanti, que tu as mentionné juste avant. Ouais, curieux de voir ce que ça va donner sur la durée, si ça dure. Rahayu Setian Ingrum, un peu tout feu tout flamme, très contente de jouer ensemble visiblement. Je suis dubitatif un peu parce qu'il va falloir un peu canaliser. Elles sont tellement contentes et elles sautent partout tout le temps que tu sais pas trop où ça va. Bon, voilà. Curieux de voir un peu la suite de ces paires indonésiennes parce que je pense qu'il y a du talent un peu partout, mais je sais pas trop où ça va. Voilà, et peut-être aussi préciser que le double dame est en vrai assez ouvert en ce début de oui. saison. Les 5 plus gros tournois de l'année qui se sont joués, c'est-à-dire les 2 750 et les 3000, ce sont 5 paires différentes qui les ont remportées. On avait 3 paires japonaises, une paire coréenne, on a désormais une paire chinoise. C'est assez logique. On attendait que Liu Tan ouvre leur compteur dans ces tournois cette année. C'est désormais chose faite. Donc les mondiaux, si tout le monde arrive avec à son niveau ou pas loin, ça risque d'être très très sympa. Évidemment, on se projette sur les mondiaux puisque maintenant ça se rapproche et que c'était alors il restera le Japan Open et le China Open. On verra à quoi ils vont ressembler fin juillet. Mais là, l'Indonesian Open, tout le monde était à peu près à son niveau. En simple homme, il manquait peut-être Axel Sen, mais c'est une très bonne répétition générale, Benoît. Pour conclure, c'est ce qu'on disait la semaine dernière à Singapour, c'est que tu nous mets ça à l'Adidas Arena fin août, on est content. Oui, c'est un bon résumé. Je pense que, alors il y aura d'autres retournements de situation ou quoi, sans doute au Mondiaux, mais en tout cas, en termes de niveau, de surprise, de qualité, de tout ce que tu veux, d'ambiance et tout. Ouais, effectivement, disons que ça a été un Indonesia Open digne de son statut. Exactement. Et est-ce que Benoît, tu veux rajouter quelque chose? Ça fait plus d'une heure qu'on parle, donc on va conclure. Exactement. Après cette belle semaine. Donc, il me reste qu'à te remercier pour cet épisode. Bah, merci à toi comme toujours et merci à vous pour votre écoute. Si jamais vous nous avez découvert avec cet épisode, j'imagine qu'il sera un peu plus écouté que la moyenne, puisque quand il y a victoire française, c'est souvent ça, et qui dit victoire historique dit, j'espère, écoute historique pour nous. On fait des épisodes toutes les semaines sur les tournois du circuit et autres. Par exemple, là, pendant 3 semaines, a priori, on va faire autre chose, on a des idées et des épisodes déjà enregistrés qu'on a hâte de vous diffuser. On vous fera sûrement début juillet un petit récap de la tournée nord-américaine avec les deux Super 300 aux États-Unis et au Canada. Et comme je l'ai dit, fin juillet, on repart sur une petite tournée asiatique avec un 750 et un 1000 au Japon et en Chine. On sera là, évidemment, pour vous débriefer tout ça. Merci pour votre écoute. À la prochaine. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不。